Alors, notre ami le chrononaute Serge Kahneman évoque aujourd'hui deux disparus très récents. Joseph-Marie Loduca, qui s'est éteint le 6 août 2004 à l'hôpital de Fontainebleau à l'âge de 93 ans, âge respectable. Et Frank Thomas, décédé le 8 septembre 2004 à Flint Ridge, en Californie, à l'âge de 92 ans. Et qui était maître animateur chez Walt Disney. Il compte parmi les Nine Old Men. Je commence par Loduca. Naturellement, les deux hommes continuent à vivre et à survivre, la preuve. Homme de lettres et journaliste, Loduca fut le premier historien du dessin animé digne de ce nom. Ses écrits, tant en italien qu'en français, couvrent la période de la fin du XIXe siècle jusqu'à 1950 environ. Il fut membre du premier jury du Festival d'Annecy initial de 1960. Personnellement, j'eus très jeune, à 13 ans, un aperçu des connaissances de Loduca dans deux livres de la collection Que sais-je, l'un sur l'histoire du cinéma, l'autre sur la technique du cinéma, paru aux presses universitaires de France, successivement en 1947 et en 1948. Ces deux volumes contenaient chacun des chapitres d'une vingtaine de pages sur le dessin animé qui m'apprirent alors énormément. Je mis trois trimestres pour enfin obtenir le cadeau de Noël d'un autre livre que je convoitais et que j'avais ardemment souhaité, mais qui, vu mes résultats scolaires, me fut refusé. Finalement, l'ouvrage « Le dessin animé », édition Prisma de 1948, imprimé sur papier glacé de luxe, ce fut la première histoire internationale du dessin animé du monde, digne de ce nom, dont je relèverai, certes un peu plus tard, quelques erreurs sans grande gravité, sans être prétentieux. Je mis par contre 3 mois pour reproduire et agrandir à main levée et à l'encre de Chine, pendant mes vacances, tous les personnages et toutes les photos du livre, à les découper et à les accrocher au grand mur de notre salon. Il y en avait près de 200. J'eus l'audace d'écrire une lettre à l'auteur qui dirigeait alors le cinéma d'essai Lord Byron du 127 Champs-Élysées, Paris, dont il assurait aussi la programmation pour l'Association française de la critique du cinéma. Il était depuis 1951 l'un des 3 rédacteurs en chef des Cahiers du cinéma qui venait de remplacer la vieille revue de cinéma de Georges Auriol, qui avait débuté dans les années 30, à laquelle il avait collaboré après 1945. Il avait même fondé en 1936 le studio DAE, Dessin animé européen, dont on peut voir encore une copie de La découverte de l'Amérique réalisée par Mima Indeli. Dans ma lettre du 4 novembre 1952, je commençais par lui témoigner mon admiration pour son livre et je me présentais comme un fanatique en la matière, ayant vu plus de 300 dessins animés de courts-métrages et constitué depuis 1945 une documentation sur le sujet, unique je suppose, naturellement. Si j'avais un menu reproche à lui faire, toutefois, c'est qu'il me semblait qu'il avait quelque peu négligé l'Angleterre, en particulier David Hand de GB Animation Limited à Moorhall, Cookham, Berkshire. Tous ces détails figuraient point fort de mes propres dossiers. J'eus une réponse le 9 novembre 1952 qui commençait par « Monsieur, vous avez parfaitement raison pour David Hand, mais en réalité, la documentation de mon livre datait déjà quand l'ouvrage a pu être imprimé, etc. » Je découvris bientôt, en effet, que le livre devait d'abord paraître chez Hermann en 1941. Sa parution fut reportée par suite de la guerre à 1945, année où s'arrête effectivement la documentation de Loduca. La lettre de l'élève de seconde que j'étais alors eut pour résultat que Loduca ajouta le nom de David Hand dans l'édition révisée de son Histoire du cinéma en 1956 dans le chapitre Dessins animés. 20 ans plus tard, Raymond Maillet me demanda, qui est le fondateur, comme vous savez, de l'AFCA, l'Association française du cinéma d'animation, me demanda si je consentais à vendre un exemplaire du Loduca, un bon prix pour un ouvrage de cette rareté, à la Cinémathèque québécoise de Montréal, avec laquelle l'AFCA entretenait les meilleurs rapports grâce à l'énergique Louise Baudet, la directrice. Nous lui dûmes en effet quelques très précieuses séances historiques de films à notre animathèque. Je résolus alors de lui offrir un exemplaire du livre gratuit, à condition, sine qua non, de le mettre à la disposition des lecteurs canadiens. Et pour m'en assurer, je me rendis en 1976 à la cinémathèque, foncé à la bibliothèque, reconnu mon Loduca sur un rayon de la bibliothèque grâce à un petit signe marqué discrètement au crayon sur une ligne donnée, d'une page donnée. Je tombais à pic. Ce jour-là, Ollie Johnston, Frank Thomas et leur compagne nous attendaient dans une salle de la cinémathèque. Nous eûmes donc, après avoir été présentés, une conversation sur le théâtre, l'opéra, et nous passèrent la journée ensemble, notamment une matinée complète réservée à nous cinq au Musée des Beaux-Arts, qui était fermé au grand public, où se tenait une grandiose exposition sur le cinéma d'animation. En même temps, on fêtait aussi la sortie du livre de nos deux maîtres animateurs de chez Disney, appelé « L'illusion de la vie »,« Illusion of Life », que je pense tout étudiant en animation devrait feuilleter une fois dans sa vie. Je vous rappelle que Frank Thomas a animé avec son équipe le Capitaine Hook, le fameux pirate de Peter Pan, Pongo et Perdita, le clochard, Bambi, Féline en français, Pinocchio, et la scène pathétique de Blanche-Neige que tout le monde cite, Blanche-Neige dans son cercueil de verre, entourée des nains en pleurs, qui à leur tour firent sortir les mouchoirs des spectateurs avant l'explosion de joie finale. Thomas était un grand acteur. Il ne travaillait pas en créant un dessin de base fixe, rendant l'émotion, à partir de laquelle il partait en ajoutant les dessins intermédiaires entre les deux dessins clés parfaits, naturellement, suivants. Non, il lui fallait tous les dessins à la fois, sans aucune exception, pour faire jouer son personnage et pour faire transmettre à ce personnage ses états d'âme. Son équipe d'une trentaine d'artistes, pourtant, le trouvait très exigeant, mais le résultat était étonnant. J'ajouterai une simple anecdote. Comme je m'extasiais devant une série de 48 cellulos géants avec les phases complètes d'une scène de Tom and Jerry, toujours à l'exposition des Beaux-Arts, et que je voulais voir la réaction du maître au sujet de cette scène, ce dernier ne dit rien, il me jeta un regard incrédule. Et je compris que le mot « animation » décidément n'avait pas le même sens chez Disney que chez Quimby, le producteur de MGM Cartoons, où était fabriqué Tom and Jerry. Une minute plus tard, il me fit une réflexion curieuse. L'embêtant est qu'à la MGM Cartoons, le climat de Culver City est plus humide qu'à Burbank. La couleur au dos des cellulos a tendance à devenir pâteuse et les cellulos à rester collés ensemble. Je compris, car je mis du temps, Tom et Jerry collent littéralement à l'écran en figurine, consciencieusement mise en mouvement, et le spectateur les voit naturellement avec plaisir. Mais, chez Frank Thomas, les personnages décollent littéralement de l'écran. Ils prennent du relief, y compris le relief psychologique. Le spectateur s'identifie à eux. Voilà la différence essentielle. Ollie Johnston, son ami, que j'évoquais au début, qui a le même âge que lui, reste maintenant le dernier des Nine Old Men, les neuf anciens membres de Disney vivants. That's all, folks.